hey, la sécurité dans toute la vie. Règne la sécurité, tu n'es plus tranquille. Tu te fais agresser par des pédophiles ou bien des violeurs. Surveillez vos familles, il entraîne la douleur. Protégeons nos vies, protégeons nos enfants. Protégeons nos vies, protégeons nos parents. Insécurité. Hey hey. Insécurité. Hey hey. Insécurité. Hey hey. Insécurité. Je n'aime pas la justice. Oui mais là pourtant, je veux bien qu'ils agissent contre tous ces gens. Protégeons nos vies, protégeons nos enfants. Protégeons nos vies, protégeons nos parents. Protégez. Protégez. Protégeons nos vies. Protégeons.